Je passe sans plus tarder la parole à Amel Marfoud et Dora Draoui Marfoud pour une communication à deux voix. Merci. Bon, alors, merci aussi pour l'invitation. On est vraiment content de venir parler de cette recherche. C'est quasiment la première présentation en public à part le... Comment je me présente ? Ah oui, mais Amel Mahfoud, sociologue, mais je travaille dans une haute école de travail social, donc en Suisse. Puis je fais les va-et-vient entre la Tunisie et l'Europe, la Suisse. Voilà, c'est une recherche qui a été faite très récemment. C'est vraiment la première présentation qu'on fait pour le grand public ou le public universitaire, et c'est vraiment très, très. On est très intéressé à vraiment avoir vos analyses et vos feedbacks et pouvoir un peu progresser aussi dans nos analyses. C'est vrai, c'est une recherche qui est un peu une première en Tunisie, puisque on a très peu de choses qui ont été faites au niveau du pays déjà sur les prisonniers politiques, à part les autobiographies qui ont été aussi publiées beaucoup plus en grand nombre après la révolution, mais peu de choses ont été vraiment étudiées sur les l'emprisonnement politique et les violations. Et encore même pas beaucoup de choses en plus sur le milieu carcéral. Et puis avec cette recherche, vraiment, on avait un peu le mandat et les objectifs aussi de regarder beaucoup plus spécifiquement le cas des femmes militantes, elles-mêmes militantes et aussi épouses de militants, mais aussi les épouses qui n'ont pas eu un engagement politique précédent, mais qui se sont retrouvées un peu dans la tourmente de violations et qui souvent ont aussi fini par devenir aussi des actrices elles-mêmes militantes. Et là, on a vraiment on avait envie de voir comment ça s'est passé pour ces femmes-là, comment s'est passé, comme disait Joseph tout à l'heure, cette expérience carcérale élargie, ou comme dit, moi j'aime bien l'expression de Stéphanie Latabdallah qui parle de toile carcérale et de cette porosité entre le dedans et le dehors, en tout cas comment la prison elle s'étend bien au-delà des murs et elle impacte et elle façonne la vie de famille, la vie de couple, etc. Si on peut parler de choses comme ça, c'est parce que la Tunisie a eu la chance d'avoir de vivre une révolution en 2011, une révolution qui l'a rendue encore plus célèbre puisqu'elle a eu un peu l'effet domino sur tout le monde arabe. Mais c'est à partir de cette révolution-là, on a eu, bien sûr, jusqu'à maintenant, on a un régime plutôt démocratique, donc la parole s'est libérée, les gens ont commencé à parler, à revendiquer. Donc le credo vraiment de la révolution, c'était d'avoir de la dignité, d'avoir la liberté, d'avoir la justice. La question de la justice est vraiment au centre des revendications des Tunisiens, jeunes et moins jeunes, etc. Et très rapidement, au bout d'une année, on a aussi parlé de justice transitionnelle et de comment reconnaître ce que les gens ont vécu, les souffrances que les personnes ont vécues comme à cause de leur activité politique, et vraiment il y avait une volonté de reconnaître le tort qui a été fait et reconnaître ces gens-là, avoir une justice, une justice et une reconnaissance. Donc nous avons, par exemple, en 2013, on a adopté une loi organique concernant la justice transitionnelle, et qui a, dans le cadre de cette loi-là, on a mis en place ce qu'on appelle l'instance Vérité et Dignité. Hein? IVD, voilà, c'est une instance créée par une loi indépendante, qui avait une présidente qui a vraiment forte de caractère, qui a fait couler beaucoup d'encre et égocillé beaucoup de voix là, mais vraiment elle a réussi à arriver jusqu'au bout malgré toutes les contraintes qu'elle a reçues. Et cette instance, l'IVD, elle a réussi à recevoir plus de 60 000 dossiers de plaintes. Donc c'est allant depuis la fin de la colonisation, donc les années 50. Début des années 50, jusqu'à la chute de la dictature de Ben Ali, donc en 2011. Ils ont pris quelques cas, je pense, au début de la révolution, avec les blessés, les personnes qui ont été blessées durant les premières semaines. À partir de ces dossiers-là, il y a eu bien sûr des rapports, etc. Mais nous, on a voulu se pencher sur vraiment le cas des couples. Et il y a eu donc cette recherche, c'est une recherche qualitative qui a vraiment qui s'est basée sur des entretiens qualitatifs, des récits de vie de femmes et d'hommes sur comment ils ont vécu cette période de les violations et les emprisonnements, etc. Quel a été l'impact sur leur épouse, famille, proches, enfants, et comment a été le retour à la vie de famille et le retour à l'intime. Et cette question du retour à l'intime, même Joseph l'a tout de suite, on a parlé comme troisième point, mais c'est quelque chose qui a été vraiment, qui est difficile à analyser, tant il y a peu de choses qui ont été faites. On voit de plus en plus des travaux comme les travaux de Lotte Bush-Segal, qui a travaillé récemment sur le cas des familles irakiennes réfugiées au Danemark, qui a travaillé aussi sur les familles palestiniennes. C'est vrai que le cas palestinien, il a vraiment été un observatoire aussi sur cette question-là, vu les nombreux cas d'emprisonnement à vie des maris, et puis comment vraiment elle et Stéphanie Latabdallah ont vraiment donné beaucoup d'éléments dans ce contexte-là. Sinon, autrement, c'est vrai, c'est une question qui reste toujours d'actualité, encore plus au Maghreb, où on connaît peu de choses, et j'étais vraiment contente de lire ton texte à ce propos. Donc, je vais revenir un petit peu dans un ordre un peu plus structuré, pour qu'on puisse comprendre comment on a cet engagement des femmes au niveau de la politique, comment on a eu différents parcours aussi des femmes et aussi des couples. Il faut revenir un petit peu aussi sur l'histoire. Vous allez voir que ça fait vraiment écho à ce que vient de dire mon collègue. Et puis, mais en même temps, il y a des différences. C'est vrai que la Tunisie, elle a eu un parcours dès le départ un peu différent par rapport aux autres pays du Maghreb, par rapport aux pays du monde arabe. Donc nous, on a eu notre indépendance en 1956, donc on a eu un premier président qui a porté la lutte pour l'indépendance, qui était très charismatique, Habib Bourguiba, qui vraiment portait tout un projet progressiste, moderniste, etc. Donc moi, je dis un petit peu qu'on a eu une lune de miel pendant une dizaine d'années, où vraiment, pendant cette période-là, il a mené le peuple un peu à la passion et l'émotion. Il y a eu aussi beaucoup de... Tout ce qui a été, finalement, qui a fait la base de la Tunisie moderne, ça a été fait pendant ces 8-10 ans, à peu près. Ou alors, on a eu, depuis en 57, donc très rapidement après l'indépendance, on a eu le code du statut personnel, qui était révolutionnaire à ce moment-là, vraiment, dans tous les termes, au niveau du... autant du Maghreb qu'au monde arabe, mais même plus largement dans d'autres pays en voie de développement, où vraiment c'est un code du statut personnel qui a aboli la polygamie, par exemple, qui était un des piliers de la... et qui reste maintenant, jusqu'à maintenant, au Maroc, par exemple, même malgré la nouvelle Moudawana et tout. C'est aussi un code du statut personnel qui a instauré des droits égalitaires, plusieurs droits en tout cas entre les hommes et les femmes, le droit de travail, l'instruction, l'éducation des enfants, le droit de la propriété, l'acceptation du, en tout cas le choix du conjoint, qui est un choix individuel, et le consentement qui est demandé. Donc, c'est-à-dire, c'est vraiment un code du statut personnel qui a vraiment révolutionné la famille, le droit de la famille. Par ailleurs, aussi, en parallèle, on a eu aussi de grandes œuvres comme l'école publique pour tous, l'obligation de l'éducation pour filles et garçons, et surtout pour les filles. Ça a été vraiment c'est ce qui a vraiment propulsé aussi toute une génération d'intellectuels et d'universitaires. On a eu aussi également toute une politique de planification familiale, ça, ce qui était très très important dès le départ. Déjà, je pense que le droit d'avortement, il a été adopté en quoi, dans les fins des années 50, début des années 60. On a eu en 64, c'était vraiment le droit sans aucune condition. Aussi l'accès libre à tout ce qui est contraception, donc vraiment la capacité des femmes tunisiennes à pouvoir décider du nombre d'enfants. D'ailleurs, très rapidement, en une génération, les statistiques ont montré qu'en une génération, le nombre d'enfants a été divisé par deux. Donc pour dire comme ça a été vraiment un impact assez important. C'est vrai que, comme j'ai dit, cette lune de miel, malheureusement, elle a eu une fin. particulièrement quand le président déjà a décidé de transformer sa présidence en présidence à vie. Donc ça avait déjà commencé. Et ça a coïncidé avec un peu le virage libéral de l'économie et bien sûr la crise pétrolière des années 70 qui a amené tout son lot de crises économiques, de crises du chômage. Donc disons l'euphorie des premières années est un peu passée. Et à ce moment-là, on a commencé à voir aussi l'émergence de tout un... une opposition politique de gauche. Il ne faut pas oublier que mai 68, on a tout de suite un petit peu parlé tout à l'heure, mais mai 68, il est comme, même s'il n'est pas passé vraiment par la Tunisie, il a quand même impacté, parce qu'on a toute une population jeune qui a vraiment été dans les universités françaises, cette population-là qui a ensuite construit finalement l'enseignement universitaire tunisien, qui a vraiment eu une influence très très importante jusqu'à maintenant. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, plusieurs leaders politiques ont été les étudiants, ont été les collègues de plusieurs de ces pionniers de l'université. Et un parmi les premiers mouvements qui a été un mouvement très important, ça a été le mouvement Perspective, qui a duré très peu de temps en tant que mouvement accepté, disons toléré, mais qui était un mouvement mixte ou qui regroupait vraiment des universitaires hommes et femmes qui avaient vraiment qui revendiquaient à ce moment-là la démocratie et un peu le respect de bon, ils auraient souhaité que Bourguiba plutôt fasse une transition démocratique au lieu de devenir président à vie, mais aussi demander toute une série de transformations et de la société. À ce mouvement-là, bien sûr, s'est ajouté le mouvement syndicaliste, autant au niveau de l'emploi qu'au niveau de l'université aussi. On a eu aussi un très très fort syndicat étudiant, l'UGET, qui aussi avait lancé une grande grève étudiante en 72, qui a aussi eu une influence très importante. Et à la fin des années 70 aussi, s'est créé le mouvement autonome féministe, aussi qui revendiquait le fait de reconnaître les droits, d'autres droits des femmes, de ne pas instrumentaliser les femmes et leurs droits comme étant un peu la vitrine vendable de la Tunisie. C'était un peu ça. C'était genre, voilà, nous vous avons donné la liberté, vous devriez déjà vous contenter de ça. Vous êtes largement devant les autres pays arabes. Qu'est-ce que vous avez à revendiquer? Et c'est vraiment... Et à chaque fois que la Tunisie devait demander les grâces des bailleurs de fonds, ben c'était l'image très positive des femmes tunisiennes libres, pas voilées, portant des mini-jupes et instruites, qui étaient quand même mises de l'avant comme carte de visite de bonne moralité internationale. Et cette image, finalement, confisquait la parole des femmes, les mettait comme femme alibi politique et avec ce mouvement groupe Perspective qui a vraiment été un moteur de la vie politique à ce moment-là, beaucoup de femmes ont été formées dans ces structures politiques et à ce moment-là c'est a été lancé le groupe, un groupe autonome de réflexion plus autour de questions féministes, des droits des femmes, etc., qui a regroupé des femmes un peu de différents horizons. C'est bien sûr un mouvement, un lieu de sociabilité politique qui a lui aussi beaucoup contribué à faire émerger des figures militantes qu'on a après retrouvées nous pendant nos enquêtes et on a pu voir avec eux aussi leur parcours et on a vu à ce moment-là, vous comprendrez tout à l'heure quand Dora présentera les résultats, comment ça a donné ces projets de couple qu'on a vu vraiment en Tunisie ou les couples de militants et comment au fait finalement on avait pas uniquement des épouses mais vraiment des couples qui se sont construits autour de projets militants. Si on va un peu plus loin, dans les années 80, ça correspond un petit peu aussi à la même chose au Maroc, on a eu aussi la montée des islamistes qui, à la fin du règne de Bourguiba, ils étaient tolérés, ils étaient même utilisés pour affaiblir le groupe, plutôt l'opposition de gauche. Donc ils étaient, disons, à la limite tolérés, même on a même changé certaines choses, arabisé les programmes, ouvert les mosquées, machin. On a fait plein de petits clins d'œil pour les amadouer et pour un peu faire rempart contre l'autre mouvement de gauche. Mais ça n'a pas non plus duré très longtemps. Avec l'arrivée au pouvoir de Ben Ali, ça a été vraiment un virement assez drastique. On a vraiment été aussi assez étonnés de voir l'expérience des prisonniers politiques qui ont fait les deux les deux régimes, donc emprisonnés sous les deux régimes, comment ils témoignent de cette, ce virage, comment dire, policier, je ne sais pas quel terme on pourrait utiliser, mais d'aggravation, comment dire, de violations encore plus, plus importantes, plus graves. Et puis vraiment, c'est devenu c'était devenu même structuré sous Ben Ali. Donc à ce moment-là, sous ce régime-là, finalement, tout type d'opposition a été contré. À ce moment-là, les islamistes aussi sont devenus la bête noire. Ça correspond aussi un petit peu au niveau international à une volonté de freiner ces mouvements-là avec, bien sûr, la révolution iranienne, toute la question géopolitique. En tout cas, il fallait vraiment montrer qu'on n'était pas du tout un pays islamisé, que on ne ferait pas l'erreur de l'Algérie, etc. Donc vraiment, si vous voulez, la répression a été féroce pour les deux courants politiques. Donc vraiment, à ce moment-là, comme je vous ai dit, on a vu l'aggravation des conditions avec ce changement de régime, etc. Et puis, bon, à partir de 2011, c'est-à-dire en 2011, avec un peu plusieurs étincelles qui ont lancé cette révolution. Il y a eu, bien sûr, l'étincelle sociale avec les suicides des jeunes, etc. Mais il y a aussi, Edora le disait tout à l'heure tout à fait, il y a eu aussi un grand mouvement des ouvriers miniers à Gafsa. Donc la région de Gafsa, c'est une région minière, et c'est un mouvement social et syndical qui était très fort, qui a eu plusieurs secousses la fin des années 90, je pense, les années 2000 aussi, 2008, et qui était aussi où les femmes étaient énormément présentes en tant que femmes de mineurs et conjointes, etc. Et donc ça, c'est aussi un mouvement qui a beaucoup soutenu et même alimenté la révolution, pour qu'on arrive à la révolution. Donc, par cette introduction, ce qu'on veut aussi montrer, c'est que les femmes ne sont pas apparues en 2011. C'est vrai que quand on lisait un petit peu, juste après la révolution, on lisait un petit peu qu'est-ce qui s'est passé en 2011, on avait l'impression qu'en Europe... Oui, alors je vais passer la parole là. Donc on avait l'impression que les femmes étaient vraiment devenues visibles en 2011, mais elles étaient là bien avant, elles étaient là même depuis les années 20 et 30. On a vu aussi beaucoup de participation à la guerre, à la lutte pour l'indépendance, etc. Et avec cette... recherche aussi, on a vu que qu'elle soit militante elle-même ou qu'elle soit devenue militante malgré elle, on a vu qu'une participation assez importante. Donc je vais passer rapidement la main à Dora, mais pour présenter un peu plus les recherches. Méthodologiquement, comme j'ai dit, c'est des récits de vie. On en a eu 70, donc d'hommes et de femmes. On a eu peu d'enfants, mais en tout cas, on a pu avoir leurs témoignages. On a pu compléter ça avec les éléments qui existaient dans la base de données de l'IVD. Et donc je peux pas dire plus. Je te passe là. Et puis la transcription d'auditions publiques, parce qu'on a eu aussi des auditions même télévisées, donc des gens qui sont venus parler de leur expérience. Et aussi on a, comme je vous ai dit, on a eu plusieurs livres qui ont été publiés aussi ces dernières années, des autobiographies de principalement d'hommes aussi. Mais qu'il y a eu quelques expériences aussi de publications de femmes qui étaient assez vraiment intéressantes aussi à lire et analyser. Voilà, merci. Donc, je continue. Moi, je suis Dora Mahfoud, professeure de sociologie actuellement à la retraite et fondatrice de ce mouvement féministe dont a parlé Amel tout à l'heure. Donc, je suis beaucoup plus depuis ma retraite dans l'activisme et à travailler avec les associations et les syndicats principalement. Voilà, donc j'ai été sollicitée pour faire ce travail par l'instance Vérité Dignité, donc celle qui est chargée, instance élue, se charger de ce processus qui a duré 5 ans de la justice transitionnelle. Et pourquoi ? Parce que dans les premières auditions, on s'est aperçu qu'il y a tout un aspect de leur vie dont les gens ne parlaient pas. Et qu'il y a eu aussi, surtout, des divorces après ces auditions publiques. Pour ceux qui parlaient, ou celles qui parlaient. Donc, on voulait savoir pourquoi et comment ça se passait au niveau des couples et quel est l'effet quel a été l'effet des violations sur la vie des couples, des familles et des femmes. Voilà. Donc, pour faire vite, puisque je n'ai pas beaucoup de temps, donc j'ai pris une partie du matériel et on a travaillé avec Amel sur ça. La question des couples. Comment les couples donc vivent la répression politique et la violence de l'État qui a eu lieu pendant donc les 60 années des deux dictatures qui se sont succédées. Ce par quoi j'étais personnellement frappée dès les premiers entretiens, c'est par les différences en quelque sorte du vécu. Qui est lié principalement au parcours de ces personnes-là. Donc, ce n'est pas du tout le même parcours, ce n'est pas les mêmes types de socialisation et les mêmes carrières militantes. Donc, j'ai commencé par, dans l'analyse, donc je suis revenue, on est revenu aux entretiens en quelque sorte, et on a vu que les capacités d'action donc des femmes et des hommes, bien sûr, parce qu'on a eu les femmes et les hommes, à peu près deux tiers, un tiers d'hommes, deux tiers de femmes, étaient conditionnés ou déterminés, si on peut dire, comme ça, par les rapports sociaux de sexe et les rapports de pouvoir. Et comment, justement, ceci va impacter les trajectoires politiques des hommes et des femmes. Voilà, donc, on ne peut pas aussi... j'ai pensé au départ que je partais de cette idée, parce que j'ai aussi ma grille de lecture féministe, bon, il faut le dire, que je ne peux pas ignorer la division sexuelle du travail, dans lequel les hommes et les femmes sont inscrits. Et pour avoir fait une étude précédente sur le budget temps des hommes et des femmes, je sais que, par exemple, la moyenne de temps consacré par les femmes tunisiennes au travail domestique est de l'ordre de 5h30 en moyenne par jour, et que les hommes tunisiennes n'y consacrent que 20 minutes à peu près. En Europe, c'est du simple au double. C'est 1 heure les femmes, 2 heures les hommes. Donc, déjà, à ce niveau-là, il y a, hein, le contraire. C'est mon souhait, c'est mon lapsus. J'aurais souhaité le contraire, mais voilà. Donc les femmes 2 heures et les hommes à peine 1 heure. Voilà. Ces rapports en fait de genre se retrouvent dans le champ politique, puisque parmi mes camarades avec qui on a fondé ensemble le mouvement féministe autonome, il y avait beaucoup qui avaient quitté les partis justement où elles avaient lutté pendant plusieurs années. Donc, comme vous voyez, je ne suis pas parmi les jeunes, mais parmi les premières femmes qui vont militer, les premières du code du statut personnel dont parlait Amel. Donc, elles ont quitté les partis, dont elles étaient plusieurs parmi les fondatrices, en raison des rapports de genre, des rapports de domination, où, je n'ai pas besoin de le dire, je crois, elles étaient donc assignées à des tâches de secrétariat, de confort, de distribution, de pins, de cadets, mais qu'au moment de choisir, par exemple, pour les mettre sur des listes électorales, pour les envoyer dans une délégation, donc qu'elles soient visibles, on ne les choisissait pas. Donc, on avait constitué ce mouvement autonome qui était à la fois chercher à être autonome par rapport au parti et par rapport au parti de gauche, dont plusieurs étaient dans la clandestinité, et aussi par rapport au parti au pouvoir, le parti unique au pouvoir. Je peux dire que dans cette recherche, il y a deux catégories de couples qui ont apparu dès le départ. Il y a le couple des deux militants, où le projet familial et le projet de couple étaient associés, donc ils étaient en quelque sorte indissociables, et le couple appelé entre guillemets un peu plus traditionnel, où c'est généralement l'homme qui est engagé politiquement et la femme le suit, ou la femme l'accompagne, ou se souscrit à la cause qu'il défend. Voilà, donc dans le premier cas, donc la première partie, je parlais de ces deux militants et un même combat, donc c'est le couple qui devient en quelque sorte un vecteur de résistance à l'oppression. Donc les deux résistent ensemble, hein. Les deux conjoints sont déjà souvent engagés au moment où ils se rencontrent, c'est-à-dire au début de la vie conjugale. Les femmes et les hommes ont en quelque sorte souvent, dans les cas que j'ai eus, donc, vécu dans un climat familial où au moins un des parents, si ce n'est un des frères ou des soeurs, était déjà engagé politiquement. Et donc, ils sont déjà socialisés dans la famille et ils entrent. Ils ont fait des études supérieures, la plupart. Et donc, ils se retrouvent et appartiennent souvent à la même classe d'âge. Donc ça, c'est aussi c'est important parce que dans une étude précédente où on a comparé la Tunisie, le Maroc et l'Algérie sur les femmes diplômées du supérieur, on a vu que c'est en Tunisie et un peu en Algérie que les écarts d'âge entre les conjoints sont les plus réduits. Au Maroc, les écarts d'âge restent encore assez importants, même parmi les gens qui ont fait des études supérieures. Donc c'est encore donc, un facteur de rapprochement des couples. Donc, la formation du couple résulte d'une affinité politique entre les deux futurs conjoints qui appartiennent, en quelque sorte, en commun avec un même capital universitaire, si on peut dire, ou scolaire. Mais certaines n'étaient pas dans des familles réellement ou particulièrement politisées, et ce qui a souvent entraîné une rupture avec la famille. Pendant les périodes de dictature, l'engagement politique ou parfois même parler de politique à la maison était considéré comme dangereux. Et donc, une fille qui s'engage dans une action politique dans un parti, c'était encore considéré comme une double transgression. Et donc, beaucoup de parents avaient peur et celles qui sont engagées, enfin, certains de mes amis, ont dû rompre carrément avec la famille. Souvent, la famille habitait dans une autre ville, d'ailleurs, de la Tunisie, pour venir faire des études dans la capitale ou dans une grande ville. Donc, elles avaient rompu avec la famille. Bon, je ne vais pas rappeler ce qu'a dit Amel, que la Tunisie a aussi favorisé la scolarisation des femmes. Et ça, c'est très, très important, puisque maintenant, le nombre de la proportion de filles à l'université dépasse de loin celle des garçons. Et également, les autres aspects, notamment la dernière des dernières, c'est l'égalité dans la Constitution, la ratification de la CEDAW sans les réserves qui étaient liées à la question de la religion musulmane, et ainsi de suite. Voilà. Donc, pour cette partie donc, de ce type de couple, donc, plusieurs ont été renvoyés de l'université suite à leur activisme. Et elles ont décroché. Hein. Elles ont été victimes de plusieurs arrestations, des gardes à vue qui duraient parfois plusieurs jours, et donc d'un parcours universitaire souvent tronqué. Bien sûr, c'est 5 minutes. Ouf. Bon, ça c'est si on veut partager, c'est comme ça. Voilà. Donc, elles sont effectivement en dehors du cercle étroit de l'université et du groupe politique. Elles n'étaient pas forcément bien considérées dans la société, comme je le disais. Et elles étaient souvent considérées, ce que disait notre ami tout à l'heure, de corrompues, d'impures. Il y avait donc beaucoup de résistance à l'engagement politique des femmes. Mais le fait qu'elles aient choisi un conjoint qui étaient dans la mouvance politique et souvent dans le même parti, donc ça les protégeait en quelque sorte. Et on revient à l'idée de la protection de ce matin des attaques et des agressions. Donc il y a beaucoup de témoignages, beaucoup ne pouvaient pas se marier en raison de cela, mais ce n'était pas le cas de beaucoup d'autres. Je vous cite une notamment, elle dit, c'est une militante de gauche, grande syndicaliste d'un certain âge, mais aujourd'hui, on dit qu'une femme qui fait de la prison ne se marie pas. Moi, je me suis mariée et très vite, en un mois. J'ai connu mon conjoint et on s'est mariés dans des conditions exceptionnelles. On a décidé qu'on ne fera pas un mariage traditionnel. Donc déjà, elle s'émancipe des normes de mariage. On s'est marié avec rien. Je n'avais pas de carte d'identité qui était confisquée par la police. On a pu signer un contrat de mariage devant un adoul, c'est-à-dire le droit musulman. On a dormi dans un petit lit métallique d'une place. On a ensuite habité avec un couple de camarades qui hébergeait déjà un autre couple. On était tous dans la clandestinité et j'ai eu mon aîné durant cette période. La clandestinité était une décision prise ensemble avec mon mari. Quand ils m'ont arrêtée, j'avais déjà mon fils sur les bras avec de la fièvre, mais j'ai eu une hémorragie, mais ils étaient totalement indifférents. Donc elle parle de la police ici. Le Ces personnes-là se sont aussi formées dans les manifestations, dans les premières manifestations. Donc, elles disent, en tout cas, elles déclarent qu'elles ont découvert, en quelque sorte, l'engagement politique et la lutte contre la violence, et puisqu'elles ont été battues, arrêtées dans certaines manifestations. Donc, pour elles, ça a été un moment important d'initiation. Donc, certaines étaient donc dans des quartiers populaires, démunis, et donc face à l'exclusion sociale, elles protestaient et donc allaient dans la rue. Et c'est là qu'elles ont fait leurs premières armes en tant que militantes. La deuxième catégorie, je vais très vite malheureusement, la deuxième catégorie, c'est l'engagement des indirects, en quelque sorte, des épouses de militants, qui ont fait, eux, sont des acteurs politiques, généralement de l'opposition. Donc, souvent, ces femmes ne sont pas informées par leur conjoint de leurs activités, de ces activités politiques du conjoint, ce que disait aussi notre ami tout à l'heure pour le Maroc. Elles ont été souvent, l'étude montre, donc c'est souvent dans la deuxième période, ces personnes-là, on se trouve dans la première période, c'est-à-dire la période de Bourguiba, et plus dans la seconde période. Il faut que je vous dise que dans la première période du temps de Bourguiba, la violence ciblait l'opposant politique, très peu la famille. Tandis que dans la deuxième période, et c'est ce qu'a dit Amel, la violence était plus féroce, c'était la famille. Les frères et sœurs, les voisins, les commerçants, et même ceux qui venaient acheter la maison, parce que souvent les gens vendaient leurs biens pour pouvoir survivre. Celui qui venait pour acheter la maison, le commerce, il était sanctionné, il était poursuivi pour ne pas aider justement la famille. Donc c'est dans cette période-là que se situe plutôt l'expérience carcérale de ces femmes. Donc elles ont été victimes plus souvent de violences physiques, sexuelles, psychologiques, en raison principalement de l'activité de leurs conjoints. Certaines étaient elles-mêmes militantes, mais dans cette période, les épouses ont été ciblées de manière particulière. Le couple, généralement, ils se sont peu connus. C'est un mariage de type plus, traditionnel, avec un écart d'âge important dans le couple et une période de fréquentation assez réduite. Donc, et puis, il est arrêté après quelques semaines, parfois après une année ou deux, souvent au début de la vie conjugale. Et donc, le couple restait fragile et vulnérable, et donc, face à l'incarcération, il n'a pas tenu le coup. Ce sont aussi des épouses, généralement, de milieux plus modestes que dans le premier cas. Là aussi, la question de l'origine sociale va jouer. Souvent, elle déclare également que le conjoint n'aura pas parlé de ses activités politiques et elle trouvait ça comme étant un manque de confiance, alors que l'intention, elle savait parfois que c'était pour les protéger, mais elle voyait cela comme un manque de confiance et ça ne contribuait pas à souder les deux conjoints. Mais ça va être terrible. Bon, je ne sais pas si je ne vais pas m'arrêter. Peut-être que dans le débat, on pourrait répondre à certaines questions. Parce que j'ai encore deux paragraphes. Le vécu carcéral et le retour à l'intime. Hein? Voilà, donc ramenez-moi à ce sujet pendant les questions. Voilà, merci. Comme ça, on pourra laisser la place à... Thank you.